Allez, bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue dans Gironde Analyse, RIG 90.7 FM et RIGFM.fr. On est ensemble comme tous les lundis, tous les vendredis, 21h, 23h pour débriefer l'actualité des Girondins de Bordeaux. Et ce week-end, l'actualité des Girondins de Bordeaux va amener les Girondins dimanche à 15h et leurs supporters au stade de la Beaujoire à Nantes pour y affronter le FC Nantes dans un match ô combien important pour la course à l'Europe. On en parlera évidemment en deuxième heure. La première heure sera intégralement consacrée à ce qu'il s'est passé cette semaine à Bordeaux, dans le foot français en général et à Bordeaux en particulier, avec dans un premier temps l'interdiction de déplacement des supporters à Nantes et dans un deuxième temps l'autorisation restreinte, on va dire, de déplacement. Et puis on vu ce qui s'est passé hier soir aussi à Lyon, voilà, on va élargir un petit peu le débat à Bordeaux et au foot français en général. On va se poser plein de questions sur le supporterisme, voir comment on peut faire peut-être évoluer certaines choses. On aura Florian Brunet avec nous dans quelques instants en direct pour parler de tout ça. Je vais laisser Marc dans quelques secondes présenter le programme. On accueille nos amis du chat présents ce soir. Bonsoir à vous, amis chatteurs. Vous pouvez interagir avec nous en direct au 05 56 35 31 31, que vous soyez sur le chat ou que vous n'y soyez pas. Dans quelques instants également, la traditionnelle question que personne ne se pose. Et donc, sont présents avec moi ce soir en studio Cyril. Bonsoir Cyril. Bonsoir tout le monde. Cyril qui, en deuxième heure, va pousser un coup de gueule. Je suis très énervé. Dont lui seul est pas content, en fait. Ouais, lui seul est pas content, ce qui va te permettre de répondre à Florian qui est en train de nous appeler. Et aussi de baisser un tout petit peu les casques, parce que j'ai les oreilles. C'est juste. Ah, merci, alléluia. C'était juste ignoble. Donc ce soir, au programme de l'émission, on va parler pendant une heure. On a décidé de consacrer la première heure sur les supporters. Donc il y a spécialement trois débats qui vont être en gros les fils rouges. J'en profite que Florian nous entende. Le premier débat, c'est: peut-on aujourd'hui traiter tous les groupes de supporters de la même façon, qu'ils soient ultra ou non ultra, hein. Il n'y a pas que des groupes de supporters ultra. Deuxième débat qu'on pose aussi, c'est: est-ce que les groupes de supporters français peuvent faire bouger les lignes nationalement et changer la donne dans leur combat avec l'État et les préfectures? On a vu que ça a l'air d'être possible, puisque les ultramarines ont gagné une première petite bataille. Et on va aussi poser la question: est-ce que les médias nationaux comme supporters, hein, c'est-à-dire j'englobe RMC, RTL, mais j'englobe nous-mêmes. Aussi nous-mêmes, doivent parler du combat des supporters? Doit-ils s'impliquer, prendre position? Certains le font déjà. D'autres ne s'impliquent pas mais en parlent. Voilà, donc on vous pose une question: s'impliquer, en parler, ou juste en parler, ou c'est pas du tout leur rôle, ou vous êtes sans avis. Donc à chaque fois que vous avez des réponses, les sondages sont clos dans quasiment 10 minutes, donc si vous voulez aller y voter, c'est le moment. Voilà. Et le direct, Marc, c'est sur Twitter, c'est direct GA, voilà. Toujours pour réagir avec nous, direct GA. Vous pouvez aussi répondre au sondage, ça nous permet d'avoir vos retours. Ensuite, le débat, la deuxième partie, elle concernera le match de Nantes, bien évidemment. On aura un journaliste de West France qui sera avec nous au téléphone, supporter nantais en plus, donc ça sera assez sympa. On aura un débat propre aux Girondins: est-ce que les Girondins doivent préparer le match à Nantes en repensant à celui perdu contre Angers? On vous demande aussi votre prono, donc c'est ces deux questions que vous avez aussi sur Twitter. Et ensuite, vous aurez le fabuleux coup de gueule de Cyril. Enfin, c'est un nouveau concept, c'est Cyril débat avec lui-même sur un sujet où il est seul à être d'accord. Pour le faire, on veut bien dire, c'est de l'accord pour le faire. C'est ça la modernité. Voilà, c'est ça la modernité. On fera un coup de cœur, puisque j'en ai un. On fera peut-être le débat sur Maurice Bellet, mais je pense qu'on n'aura franchement pas le temps. Maurice Bellet a-t-il un avenir à Bordeaux? On terminera par un Sekiki si on a le temps. On va quand même présenter les gens autour de la table. Oui, mais alors juste avant. Faire très rapidement, parce que d'habitude, Alexis est là. Soir, messieurs. Adrien est là également. Alors, Adrien, il va faire un truc, c'est qu'il va déménager de l'autre côté, à côté de Cyril, pour partager le micro avec Cyril. Et c'est son retour ce soir dans l'émission. Le deuxième Alexis est là, ça va être le bordel. Ça va Alex? Toujours. Allez, C'est moi, je l'ai pas vu depuis 5 mois, donc je suis content de savoir qu'il va bien. On attaque directement l'émission, messieurs, sans plus attendre, avec Florian Brunet. Bonsoir Florian. Bonsoir à vous. Comment ça va Florian? Mieux depuis hier, je pense. Oui. Bon, de toute façon, on envisageait toutes les possibilités, celles-là y comprises. C'est loin d'être complètement une satisfaction, parce qu'il y a des choix à faire et c'est toujours extrêmement désagréable. Donc, satisfait, mais bon, pas du tout. pas du tout euphorique ou quoi que ce soit. Alors, on va détendre l'atmosphère à la question que personne ne se pose. Oh la vache. Ouais. 3, 2, je l'ai pas. Non, mais on va le faire direct, je l'ai pas. Donc, pas de jingle, fais-la direct, j'ai pas. Donc, allez, ça. Au moins, c'est si la Alors, c'est une question qu'on avait posée mardi, donc elle est plus ou moins plus d'actualité. Mais si la préfecture de Nantes avait de l'humour et aimait le football et ses supporters, elle répondrait sur Twitter aux différentes injonctions qu'ont fait les supporters. Elle répondrait à 19%. Bon, je fais les résultats, ça sera fait. Ouais. À 10% IDS, invite de DEP. Solidaire, hein, voilà. À 19%, elle répondrait tous en jeûne, même l'alcool. Voilà, petite référence à Nantes. À 21%, elle répondrait on favorise le FC Nantes, désolé, mais au moins, ça serait clair. Et donc, à 50%, elle répondrait apéro. On a failli rajouter aussi désolé, on est ultra chiant. Voilà, ça aurait été. Alors. Je n'ai strictement rien compris à ce qui vient de se passer. C'est pas grave, pouvez voter, on donnera les résultats à 23h. Voilà, on donnera les résultats. Oui, parce que je pensais que le débat était clos, mais en fait, il reste un jour. Donc, moi, je me suis un peu chié. Qu'est-ce que tu veux, c'est pas très grave. On va quand même rappeler pour les gens qui n'auraient pas suivi ce qui s'est passé depuis deux jours. Dans un premier temps, la préfecture de Loire-Atlantique a interdit tout bonnement et simplement le déplacement des supporters. Alors, c'est important de le préciser, qu'ils soient ultra ou non ultra. C'est voilà, aucun bordelais à Nantes. Même les handicapés. Mais tout le monde, oui. Alexis d'ailleurs, enfin même les handicapés. J'ai eu l'interdiction d'y aller. Voilà, c'est vrai que t'es dangereux. Et dans un deuxième temps, suite à la mobilisation des ultramarines notamment et des supporters bordelais tout autour qui ont suivi derrière, Flo, vous avez réussi à obtenir, on va appeler ça quoi, un compromis, on va dire. Bah, disons que c'est la première fois qu'un arrêté est modifié par la suite dans un laps de temps assez court. Alors il y a eu deux paramètres, il y a eu le travail du club par l'intermédiaire de David Lafarge et de Stéphane Martin qui ont expliqué qu'on s'engageait à ce qu'il n'y ait pas de problème, que ça se passerait bien, qu'il valait mieux que ça se fasse en bus, plus derrière la pression populaire et nous la volonté de quoi qu'il arrive nous rendre à Nantes. Alors, c'est un travail parallèle, un travail de fond du club, nous un travail par l'explication, par le dialogue, par le ras-le-bol, par la mobilisation populaire, par la volonté d'y aller de toute façon quoi qu'il arrive. Vous les avez eus directement ou pas? Eu qui? La préfecture. Non. Non, c'est-à-dire qu'ils ont lu vos positions, ils les ont lues par communiqué interposé, quoi, en gros. L'échange s'est fait comme ça. Non, il n'y a pas eu de dialogue direct. Il y a eu un travail du club et qui comprend notre ras-le-bol. Et c'est un ensemble. Je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui se rendent compte aujourd'hui que cette politique, elle mène à rien. Mis à part radicaliser toujours plus, on sait très bien que sans dialogue, sans prévention, sans responsabilisation, on peut rien faire. Donc c'est pas en interdisant bêtement que les choses vont se résoudre. Tu nous disais que le club avait travaillé dans le sens pour que vous puissiez quand même vous y rendre. Tu nous as cité Lafarge, bon, on connaît son implication là-dedans. Martin, c'est nouveau pour nous et pour lui. Vous l'avez eu directement par téléphone ou en rendez-vous ou ça s'est plutôt limité à un échange avec M. Lafarge? Ça s'est limité à un échange avec M. Lafarge au moment de prendre la décision et puis après, après on avait aussi le président Martin. Ouais. Mais bon, ça c'est, je veux dire, on a toujours travaillé comme ça. On est pour ces choses-là, on est rarement pas d'accord. Je veux dire que ce soit Martin, c'était déjà comme ça avec Trio. Quand on avait des soucis, généralement le club était derrière nous, quoi. Voilà, donc c'est pas une nouveauté, quoi. On a toujours travaillé comme ça à Bordeaux. En ce moment, il y a une volonté politique de mettre un interlocuteur privilégié dans chaque club pour soi-disant développer le dialogue avec les supporters. Nous, c'est comme ça depuis 20 ans. Voilà, on se respecte, on se connaît, on travaille ensemble, on fait pas n'importe quoi et ça se passe bien. Il y a des tifos, il y a des déplacements qui se passent bien, il y a même parfois des fumigènes et voilà. Moi, Flo, nous, à Bordeaux, c'est en place depuis très longtemps ce qui est décidé politiquement récemment. Flo, sur le nombre, on a entendu parler de 250, c'est ça? Ça a été limité à 250? Ouais. C'est ouais. Qui l'a qui l'a décidé ce nombre? Ça a été imposé ou c'est vous qui l'avez proposé Écoute, pour tout te dire, fond global, j'ai presque envie de dire c'est presque de la politique, mais on a regardé le fait que c'était la première fois qu'un arrêté était contredit de cette manière-là, donc ça offre une brèche juridique. Donc après, si on avait insisté pour avoir plus et que derrière ça se braquait, c'était peut-être pas ce qu'il y avait de plus mal à faire. Donc il y a eu un rapport de force, il y a eu une main tendue, et c'est une première. Nous, on voit ça, c'est une première. On ouvre une brèche. C'est très emmerdant pour tous ceux qui vont pas pouvoir venir à Nantes dimanche. Ça, on l'oublie pas, on va pas arrêter de le dire. Et c'est pour ça que, comme je vous ai dit, c'est loin d'être une victoire et c'est un sacré goût amer, parce qu'en plus, je pense qu'on va être sacrément encadré. Et je pense que l'accueil des flics devra être sympa aussi. Et donc voilà, mais ça ouvre une brèche juridique et j'espère que ça va donner des idées et qu'on va enfin se mettre autour d'une table et qu'on va réfléchir différemment. Quoi. Je vais laisser la parole. En tout cas, bonsoir Florian. Je vais laisser la parole. Juste, dis-toi que nous qui voulions, Julia, faire notre petite dep tranquille. Tu me laisses pas la parole. Je pose pas une question. On préfère se dire, bah, on n'y va pas, mais il y a 250 supporters bordelais qui y vont et on gagne une petite bataille, plutôt que se dire personne n'y va parce qu'on c'était tout le monde ou personne, tu vois, à choisir. On est tous, bon, c'est pas grave, c'est un débat. On ira à Dijon, on ira à Dijon ou à Lorient. Si on est supporter, c'est bon, il n'y a pas que Nantes qu'on peut faire comme dep. Je trouve la victoire plus importante que le déplacement des intérêts personnels de chacun. Florian, moi j'avais une question sur vraiment le monde ultra en général. Est-ce que vous avez eu des retours d'autres responsables de groupe qui ont vécu la répression justement? Est-ce que ça donne un motif d'espoir vraiment pour votre cause? Enfin, pour la nôtre aussi du coup. Écoutez, il y a l'ANS, l'Association Nationale des Supporters, qui travaille intelligemment. Nous, on s'était beaucoup impliqué du temps de la Coordination Nationale des Ultras. Qui, comme son nom l'indique, essayait d'avoir un état d'esprit ultra, c'est-à-dire qu'il y avait des groupes qui étaient représentatifs qui géraient ça. Ça avait duré pas mal de temps, il y avait eu des discussions avec Ramayad, avec Thiriez, il y avait eu des colloques, mais au final beaucoup beaucoup de promesses et très très peu d'actes et finalement des belles journées, des belles réunions, mais qui donnaient absolument rien. Maintenant, l'ANS, ils font ce que nous, on n'avait pas fait à l'époque, avec les outils de communication de maintenant. Ils font du lobbying, ils interpellent des députés, ils font beaucoup d'actions juridiques, des recours, ce que nous, on faisait pas aussi. Bon, ils ont peut-être moins de tribunes qui s'impliquent. Chacun bosse dans son coin, et nous, on est un peu comme ça aussi. On est un peu échaudés de cette expérience de la CNU. Où finalement les intérêts personnels ou les inimitiés prenaient le dessus sur le reste. Donc on bosse beaucoup en local et tout en pensant par nos actions qu'on mène localement que ça peut inspirer la cause nationale, parce qu'évidemment la cause nationale elle est importante pour nous. Et par exemple sur la cause parisienne, on s'est toujours impliqué et on a toujours défendu les ultra-parisiens. Donc voilà, maintenant, c'est compliqué en France et la répression a fait beaucoup de mal et il faut vraiment qu'il y ait un changement de politique radical parce que il faut voir ce que ça apporte. Je veux dire, les stades se vident, les stades sont tristes, il n'y a pas de tribune visiteur, on s'enlève quand même beaucoup de bonheur. Au final, la sécurité à outrance, il y en a depuis 10 ans, mais est-ce qu'il y avait vraiment des grands incidents avant 2005? Enfin, je trouve qu'il y a une diabolisation du risque qui est dramatique. On est quand même tout à fait capable, on voit en Allemagne, et pourtant les Allemands sont pas des enfants de cœur, mais les Allemands se déplacent à 10 000. Je veux dire, les gars de Francfort, ils sont venus à Bordeaux, ils étaient 10 000, et alors? Il n'y a pas eu de blessés graves, il n'y a pas eu de mort, on peut se laisser vivre un petit peu. Le truc, c'est que on nous propose une société aseptisée et le football, c'est un peu un laboratoire. La question que j'ai envie de te poser, au final, vu qu'il y a cette victoire quand même si elle est courte, tu sais, elle est courte mais elle est belle quand même, est-ce que ça vous donne envie de vous réimpliquer nationalement, vous ultramarine, ou est-ce que c'est trop on s'implique, on a participé il n'y a pas très longtemps à une réunion, Voilà, on donnera des coups de main, et déjà localement, je pense qu'il y a des choses qui peuvent être utiles, et on est en contact avec, avec ceux qui essayent de bouger les lignes. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est l'aspect juridique, c'est le lobbying, c'est les médias, c'est les réseaux sociaux, pour essayer de... Bah de drainer une pression populaire, d'essayer d'amener un débat, et c'est ce qui est, je pense, ce qui est en train de se faire, parce qu'on se rend compte que c'est totalement contre-productif. Parce qu'on a quand même affaire à des gens passionnés, presque, et pour beaucoup extrémistes, et jusqu'au boutiste, et malgré la répression, il y a quand même des tribunes qui survivent et qui sont toujours là, et qu'on a absolument ras-le-bol, et qui sont importantes dans le paysage... du football français, et qui sont des gens qui gèrent des associations depuis 30 ans, et sans, encore une fois, avoir de blessés graves sur la conscience, sans drame, dont nous sommes réellement responsables, en tout cas pas les groupes ultra, alors que d'autres, comme la LFP, ont, eux, des morts sur la conscience, alors que le mouvement ultra n'a pas de morts sur la conscience. Flo, est-ce que avec ce qui s'est passé hier à Lyon pour Lyon-Beşiktaş en Europa League, ça met une pression supplémentaire, mais voilà, faire en sorte que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de... Tu vois, parce qu'on va être attendu un peu au tournant quand même, surtout après ce qui s'est passé hier. On a fait le forcing pour y aller, faut... Tu ce qui s'est passé hier... Et c'est quand même lié à des supporters en tribune, quoi. C'est dramatique, c'est comme ce qui s'est passé à l'Euro. Je veux dire, on interdit les déplacements à tour de bras... et on n'est pas capable de gérer des événements comme ça alors que ça saute aux yeux. Et puis maintenant, il faut réfléchir à ce qui s'est passé hier aussi, quoi. C'est un peu plus complexe que ça en a l'air. Il y a des, il y a des nébuleuses hooligans qui n'ont rien à voir avec nous, qui ont sévi pour ce match et qui pour la plupart vont même pas au stade. Je veux dire, quand on agit à visage découvert, c'est qu'on n'a pas bien peur d'être interdit de stade. Donc il faut analyser ça aussi en profondeur. La Turquie, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire, chez eux, les couteaux, c'est banal. Hein. Chez nous, ça n'arrive jamais. En Turquie, c'est un autre monde. Donc voilà, et l'État français paye des gens pour réfléchir à tout ça. Ils sont incapables de gérer 200 Russes pour la Coupe du Monde qui mettent la panique à tout le monde pendant toute une journée. Et à côté de ça, ils nous expliquent qu'il faut absolument interdire... les Troyens à Auxerre, les Bastiers à Nantes, et ainsi de suite. Enfin, ça devient du n'importe quoi. Et au final, on obtient quoi ? Ben, on a des stades vides, sans vie, sans passionnés, et on va nous faire croire qu'on interdit des sauvages. Voilà, et qu'on va empêcher d'autres sauvages. Non seulement c'est pas des sauvages qu'on interdit, mais les vrais sauvages, on fait rien contre eux. Et on l'a vu encore hier contre la Turquie. Contre Beşiktaş. Sur Twitter, réaction Florian. J'ai une réaction sur Twitter de Sip de la Tribune Gold. Donc, il nous dit que c'est bien que les ultras soient présents à Nantes pour supporter les joueurs dans la course à l'Europe. À charge, par contre, qu'il n'y ait pas d'incident, sinon on pourra toujours rêver pour avoir des supporters à l'extérieur. Donc, non, mais c'est ça, c'est nous qui devons être absolument parfaits, irréprochables. C'est un peu ça. Il faut rappeler qu'on est bénévole, qu'on est passionné. Et que voilà, mais surtout on a une carte de visite, je veux dire, on vient nous faire la morale et on va dire attention, hein, faut que vous teniez bien. Mais pour qui se prend-on ? Je veux dire, ça fait 30 ans nous qu'on prouve qu'on se tient bien. Qu'est-ce qu'on a à nous reprocher ? Je veux dire, il faut remettre les choses dans le contexte. Selon l'arrêt des préfectorales, il y a 2 lignes qui concernent Bordeaux et 8 lignes qui concernent Nantes. Oui, c'est vrai qu'au final, dans cet arrêté, il y avait plus de trucs qui concernaient... Qui concernent quoi ? Qui concernent des procès d'intention. Oui, qui concernent 10 pèlerins qui ont fini à venir. Oui, c'est genre qui voulaient potentiellement, mais en fait, il n'y a jamais rien eu, quoi. C'est genre... Voilà, après, voilà, le foot, c'est ça. Le foot, il y a de la passion, il y a du folklore, il y a des insultes, il y a des... Voilà, c'est ça le foot. Et ils veulent nous enlever le foot. Ouais, les Nantais, les Bordelais s'aiment pas. Et quand ils se rendent compte, ils vont pas se faire la bise. Et alors, on canalise ça, on gère l'affaire entre gens intelligents. Comme je vous dis, avant 2005, le mouvement ultra avait déjà 20 ans d'existence, et il avait toujours aucun blessé grave sur la conscience, aucun drame, rien. Donc qu'on arrête de nous faire la morale et des procès d'intention. Qu'on aille s'occuper d'autre chose. Il y a des problèmes plus importants que ça. C'est terrible. Justement, pour revenir à, à ce que tu disais avant 2005, tout ça, quelque chose qui n'existait pas et qui existe maintenant, c'est les réseaux sociaux. Et est-ce que tu crois que l'impact des réseaux sociaux a eu, entre guillemets, de l'influence au mouvement préfectoral pour la mobilisation, tu parles? Oui, pour la mobilisation des Girondins ou quoi que ce soit. Mais clairement, j'espère qu'on a ouvert une brèche. Comme disaient des grands hommes, je veux dire, quand les lois deviennent absurdes, c'est notre devoir de réagir et de ne pas se laisser faire. Je veux dire, à un moment donné, on va pas être des moutons toute notre vie. On nous enlève notre liberté, notre droit fondamental de circuler, avec des procès de pension, sans raison valable, et on nous enlève notre passion. Et au final, on obtient des tribunes vides, des stades vides, dans des stades surdimensionnés que nos impôts ont payés. Je veux dire, on va tolérer ça combien de temps? Alors, donc, nous, on a décidé en conscience de ne plus le tolérer. Voilà, c'est tout. Alors justement, on est totalement d'accord. Je pense que la préfecture a eu très peur d'avoir 250 supporters bordelais au pied du stade et qu'il aurait fallu les gérer pendant 90 minutes et qu'ils ont préféré les mettre dans le stade plutôt qu'au dehors. Je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ont fait machine arrière. J'en suis quasiment persuadé. Ils se sont dit, vaut mieux les avoir dans le stade au chaud. Et demain, on va être accueillis par une compagnie CRS qui attendra qu'une chose, c'est que ça pète. Et encore une fois, demain, il y a de fortes chances qu'il y ait des incidents. Et les incidents, ils ont été provoqués par la police. Et ces mêmes personnes viennent nous faire la morale. Alors, c'est pour ça que... Ils viennent nous encadrer. On a loué des bus en catastrophe. On ne sait même pas comment ça va se passer, on ne sait même pas la compagnie qu'il va y avoir. On va avoir un comité d'accueil de dingue, on va être traité comme des animaux, on va même pas pouvoir aller pisser, et il va falloir qu'on soit content. Voilà. Mais c'est du n'importe quoi. Je veux dire, quand on voit ce que sont capables de faire les gens qu'on traite comme des animaux, c'est les mêmes personnes qu'on gère Radio Liscure, c'est les mêmes personnes qui gèrent les tifos tous les week-ends, c'est les mêmes personnes qui donnent une vie à ces stades, que se régalissent s'il n'y avait pas le virage sud. Et on nous traite comme des moins que rien, comme des criminels demain, fin dimanche. Et c'est comme ça tous les week-ends. Il va y avoir encore des problèmes et ça sera provoqué par ceux qui nous donnent des leçons de moi. C'est pour ça que on en a parlé suite à ce que j'ai posté sur Twitter. C'est malheureux, hein, je conçois ça, mais il va falloir que les supporters qui se déplacent à Nantes, et moi personnellement, c'est l'appel personnel que je fais. Comme d'habitude, parce qu'à Nantes, il n'y a jamais eu de problème. Notable. Non mais je veux dire, c'est pas un flic parce qu'il serait qu'un doigt. Moi ça m'énerve parce que ça sous-entend que d'habitude on n'est pas comme il faut. Voilà. Bordeaux on est comme il faut et on a largement prouvé. Et admettons, dimanche ça se passe mal. Et alors, on oublie les 30 années qui sont passées. Admettons, il y en a beaucoup. Mais moi non. Moi non, mais la préfecture n'attend que ça. Et ben voilà. Et ben moi je veux pas rentrer dans ce jeu-là. Mais ça, on veut nous responsabiliser. Alors qu'on refuse le dialogue. Pourquoi on serait responsable de problèmes alors qu'on ne veut pas discuter avec nous? On fait avec les ultras et les supporters français ce qu'on fait dans ce pays pour n'importe quel sujet. Ben, on va pas faire de la politique maintenant. C'est-à-dire que plutôt que s'attaquer aux problèmes à la source, on tape sur, en général, la minorité. C'est-à-dire que c'est plus facile de taper sur 200 mecs qui se déplacent tous les week-ends, qu'ils soient de Bordeaux ou d'ailleurs, hein, y a pas que nous, que de vraiment s'occuper, vraiment prendre le problème à la source et s'occuper des réels problèmes, parce que ça serait bien plus compliqué. Cyril a encore une réaction Twitter. Après, je te pose trois questions et on a fini. D'Élise. Donc, les autorités s'appuient sur 2-3 incidents et les prennent comme prétexte pour punir tous les autres. C'est injuste. Voilà. Alors, trois questions. Oui, non. Si tu veux développer, tu développes. Si tu veux pas, tu développes pas. Première question. Peut-on aujourd'hui traiter tous les groupes de supporters ultra et pas que ultra de la même façon ou pas? Est-ce que pour toi, il faudrait aujourd'hui, pour l'histoire par exemple des déplacements, faire du cas par cas, c'est-à-dire ce groupe-là, il pose aucun problème, il déplace. Ce groupe-là, on sait qu'il y a des néo-nazis, non? Non, mais ultra, ça se tient. Ultra, globalement, c'est apolitique, c'est organisé, ça fait des tifos, ça se déplace. C'est indispensable au football aujourd'hui, et ça donne une vie de partout. Il n'y a qu'à voir les tifos qui sont faits à Saint-Étienne, l'ambiance qui est revenue au parc, les tifos qui sont faits à Bordeaux, les tifos même qui sont faits à Marseille. Il y a des tifos magnifiques, c'est les ultras qui les font. Après, il y a une mouvance politisée qui fait des ce qu'on appelle des free fight et qu'on attribue à tort aux ultras et qui sont pas du tout faits par des ultras et qui est plus portée sur la violence et qui est beaucoup moins importante. Et qui nous pose un problème parce qu'elle est généralement d'extrême droite, et elle est pour une violence organisée qui pour nous est aux antipodes de nos valeurs. Donc bah après on va pas aller jusqu'à la combattre, mais il faut faire le distinguo entre les deux mouvances qui soi-disant posent problème, et nous on est assimilés à une mouvance qui n'est pas du tout la nôtre. Voilà. Donc là, clairement la mouvance hooligan. Mais elle est archi minoritaire. Donc on nous attribue à nous ce qui est archi minoritaire. Voilà. Ok. Donc, deuxième question. Les supporters français peuvent-ils faire changer les lignes nationalement et changer la donne dans leur combat contre les préfectures et l'État? Est-ce que réellement tu y crois? Qu'on est important, je veux dire, à chaque fois qu'il y a des... Mais prouver qu'on est important et réussir à... Bah écoute, chacun à son échelle essaie de le faire. Il y a des combats locaux qui sont gagnés tous les week-ends. Tu sais, ne serait-ce que faire un tifo, c'est un combat gagné, parce que des fois il y a des restrictions qui nous empêchent de le faire. Chaque déplacement, c'est un combat gagné. Et puis, je te dis, juridiquement, médiatiquement, politiquement aussi, ça s'organise. Les lignes bougent petit à petit. Mais il y a des gens haut placés qui ont un lobbying depuis une dizaine d'années qui est extrêmement efficace et qui se fait entendre. Et nous, on se bat avec nos armes et on essaie de faire ça de la manière la plus cohérente possible. Mais après, il faut pas se leurrer non plus. On n'est pas des anges non plus. Hein. Et c'est pas pour ça qu'on veut se faire passer. On veut surtout pas perdre notre âme, notre indépendance, notre spontanéité aussi, quoi. Mais on veut pas qu'on nous fasse passer pour ce qu'on n'est pas non plus. On n'est pas des sauvages et on a rien de dramatique à se reprocher. Et encore une fois, ce qui s'est passé hier et qui a été monté en épingle de partout, ça n'a rien à voir avec le mouvement ultra-français. Puis, absolument. Sur les 15 000 Turcs, ça n'a pas aussi concerné 15 000 Turcs. J'ai l'impression qu'il a fallu 2 heures pour que les médias le fassent remarquer. Ouais, et qu'il n'y ait pas eu que des Turcs aussi, et aussi des Lyonnais. Non, mais clairement pas. Et ce qui s'est passé avec les Russes, c'est pareil. On a la chance en France de ne pas avoir ce genre de problème. Il n'y a pas de couteau, il n'y a pas de fous furieux bodybuildés organisés comme des paramilitaires qui mettent la panique dans chaque ville. Non, il y a des gens intelligents à Saint-Étienne, à Marseille, à Bordeaux, à Nantes, à Paris, qui sont pas des enfants de cœur, mais qui ont prouvé qu'ils étaient des gens sérieux et qui faisaient des choses extrêmement utiles. Encore une fois, qu'est-ce que serait le foot aujourd'hui s'il n'y avait pas les ultras? Qu'est-ce que serait le foot? Il serait d'une tristesse, mais horrible. C'est ça qu'il faut voir. Et au-delà de nos petits problèmes à nous, ultra, il faut globaliser. Et il faut se dire qu'en nous attaquant, on tue le foot et on vole le foot, parce que sans nous, bah, qu'est-ce qui resterait? Imaginez Geoffroy sans ultra. Je peux vous dire que ça serait différent. Imaginez Gali sans Virachude. Non, mais imaginez ça. Bah, il serait vide sur certains matchs. Hein. Ça vraiment vous y aller sur le coup. Imaginez ça. Ça serait du rugby. Parce que s'il n'y a plus de mouvement ultra, il n'y a plus d'organisation. On a vu à Paris, on a essayé sans les ultras. Ça marche pas. Et on les fait revenir. Parce qu'un mec qui veut monter sur la murette, s'il n'a pas de légitimité, il n'y a personne qui va le suivre. Il faut qu'il ait une légitimité. C'est des choses naturelles qui se font. Et le mouvement ultra amène ça. Il amène une certaine hiérarchie, une certaine organisation, une certaine mentalité. On est indispensable. Donc il faudrait un petit peu que tout le monde globalise. Et à Bordeaux, ça se fait bien, parce que pour Adieu les Scurs et cette semaine, on a senti que les gens étaient derrière. Et c'est aussi parce que le virage peut être fier que depuis, on fait les choses de manière cohérente. Après, encore une fois, avant qu'on nous mette des images, là, on nous prend pour ce qu'on n'est pas, quoi. Et je pense pas que nos impôts soient très utiles dans cette armada qui est mobilisée et qui sera dimanche mobilisée pour nous gérer. Oui, bien d'accord. Et dernière question, les médias nationaux comme supporters doivent-ils parler du combat des supporters, doivent-ils s'impliquer? Donc je te donne le choix entre s'impliquer et en parler, c'est par leur rôle ou t'as pas d'avis? Non mais les médias, il faut aller où c'est juste, quoi. Et avec tous les arguments que je viens de te dire, il serait temps que les médias se prennent... quand on entend des réflexions encore comme Pascal Pro qui dit qu'il faut interdire tous les déplacements, mais au secours. Heureusement qu'il y a des gars comme Rotten. Pas l'interdire. Ouais, j'allais dire sur RMC, ils sont plutôt il faut monter trop au créneau, supporters. Quoi. Il faut encourager. Mais on n'arrête pas de dire aux joueurs, c'est fatigant, les mecs ils sont dans leur boule de cristal, ils sont dans leur petit paradis, et ils réfléchissent pas eux aussi que sans nous, bah, qu'est-ce qu'ils seraient? Et qu'est-ce qu'encore une fois, qu'est-ce que serait le foot français? Et pas que le foot français, en Italie c'est pareil, dans d'autres pays c'est pareil. Donc il faut que tout le monde s'y mette et nous défende et qu'il y ait une vraie mobilisation. Nous on attend ça depuis des lustres. Justin Gourvennec l'a un peu fait aujourd'hui. Non mais heureusement que ça commence. Je vais pas dire que c'est trop tard, mais bon, il est temps que ça s'y mette parce que ce qui se passe de partout, je veux dire la supercherie de Paris. Enfin, c'est scandaleux ce qui s'est passé à Paris, une manipulation, enfin on va pas parler de ça pendant des heures, parce qu'il y aurait tant à dire, mais l'opinion publique a été totalement manipulée, et les journalistes ont absolument pas fait leur travail. Et il y en a très peu aujourd'hui qui le font. Ils font pas de travail d'investigation, ils cherchent pas à avoir un discours juste, impartial, je veux dire, ils sont manipulés par les autorités, et puis ils suivent le discours sans chercher à comprendre. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Oui, il faut que les médias s'impliquent, mille fois plus. Parfait, messieurs, on va terminer là-dessus. Merci, Flo. Bon dep. dimanche. Et puis bon acte 4, c'est ça ? C'est le 4 ou le 3 ? Ouais, ça continue, écoute. Ça continue. Ouais, et puis bah, du mieux qu'on peut. Et puis... Comme en ce moment, t'es une fois toutes les 3 semaines à peu près, puisque la dernière fois c'était il y a 3 semaines pour la prise de fonction, on te dit à dans 3 semaines, quoi. Ouais, peut-être pas tout le temps. Essaye de motiver Laurent un peu. Pour bon ouais, Marseille, mais... quoi. Laurent, ça fait un moment que. J'ai pas son numéro alors. Mais je l'ai, moi, je te le. Donc après, moi je peux harceler Laurent, tu sais, c'est pas un souci. Ouais, hein. J'ai harcelé Plasil pendant 2 ans. Hein. D'ailleurs, Plasil, il pense à repartir en Tchéquie. Ça fait toujours plaisir. Après, bon, il n'y a pas énormément de monde qui écoute, mais ça fait toujours plaisir d'expliquer les choses. Parce que bon, malheureusement, elles sont pas expliquées tout le temps. On fait ce qu'on peut. C'est clair. Bien sûr. Merci. Merci beaucoup, Flo. On va te souhaiter une bonne soirée, un bon match dimanche. Merci à vous. Ciao, Flo. À bientôt, ciao. Messieurs, on va poursuivre. Toujours intéressant. Toujours. L'avis de notre ami Florian. Et Elise, qui avait une remarque. Oui. Imaginez un match à Dortmund. Mais oui, comme l'a dit Flo, de toute façon, pour eux, il y en a qui ont essayé, notamment. Messieurs, Marc, avant qu'on finisse, il reste 20 minutes pour terminer sur... Un petit peu moins, il faut être à 55. Ah oui, moins 5, un quart d'heure. Mais pour faire entre nous sur les médias, machin. Mais qu'on en parle. Voilà. Alors, je pense qu'on va en parler globalement parce que le but des trois questions, c'est quand même d'être assez général. Puis on va laisser parler aussi un petit peu les autres. Donc, je vais quand même donner juste le résultat des questions. Oui. À la question, est-ce qu'il faut aujourd'hui traiter les groupes de supporters de la même façon ? Vous avez répondu non à 65%, c'est-à-dire que pour vous, il existe des différences. Ensuite, à la question, les supporters français peuvent-ils faire bouger les lignes ? Vous avez répondu oui à 84%, c'est un score de dictateur. Je pense que tu posais la question avant que la préfecture change d'avis, t'avais pas le même résultat. Et j'ai posé les questions. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais ouais. La préfecture n'aurait pas changé d'avis. Je pense que le résultat n'est pas aussi flagrant. C'est sûr. Et ensuite, à la question des médias, vous êtes 49% à penser que les médias doivent s'impliquer à en parler, 38% juste à en parler, 13% que ce n'est pas leur rôle et qu'ils ont autre chose à faire, et 0% sans avis. Moi, ce que je remarque, c'est que RMC en parle beaucoup plus. Que RMC, ça fait longtemps qu'ils militent pour des déplacements encadrés. Et, enfin, qui militent, je ne sais pas, mais ils en parlent de plus en plus. L'équipe, c'est RMC, pareil. SoFoot, c'est pareil. Sud-Ouest, s'y est mis beaucoup plus. C'est parce qu'ils se font chier, Marc, petit à petit. Parce que t'écoutes les commentaires d'RMC, les mecs se font chier dans les stades, ils le disent eux-mêmes. L'autre jour, c'est plus, c'était pas Bribois, Rességué ou je sais pas qui, mais qui se faisait chier. Il y avait pas d'ambiance, je sais plus où il était le mec, je sais plus quel match, un truc. C'était triste comme la mort, quoi. Parce que les mecs eux-mêmes, ils prennent même plus de plaisir à commenter des matchs où il se passe rien, ils entendent limite les mecs parler sur le terrain, tu vois. Donc eux aussi, c'est dans leur intérêt qu'il y ait ce genre de truc, parce que que tu commentes un match, que t'es dans le stade, après tu supportes ou tu commentes, mais t'es dans le stade et tu vis, tu vois ce que je veux dire. Tu vis le truc aussi. Si tu me permets, je vais lancer le débat. Donc j'ai écouté ce que disait notre cher ami Florian. Je suis d'accord sur énormément de points avec ce qu'il dit. La seule différence, c'est que pour moi aujourd'hui, si on veut que le réhabiliter les groupes de supporters, et j'ai bien les groupes de supporters, j'ai pas envie de parler que d'ultra. Donc c'est normal que Florian nous parle plus des ultras, mais je pense à tous les groupes, quels qu'ils soient. Pour les réhabiliter, je pense que ça passe par deux choses. Déjà, ça passe par un dialogue qui doit revenir. Quand je vois que la LFP est en train de parler avec le ministère de l'Intérieur pour la gestion des supporters, qu'il n'y a même pas un supporter autour de la table, ça commence à me gonfler. Ça a été fait par le passé. Ouais, ça a été fait par mais le passé. Ça n'aboutit à rien. Non, mais... Ça aboutit à rien. Ça a été fait, j'ai l'impression que ça a été fait pour faire plaisir, mais que ça a coûté. Flo, je sais pas si oui, t'as il en a parlé, on a déjà parlé 40 fois. Ça a été fait par ça. Le passé, ça n'aboutit à rien. Depuis, les supporters ont dit, on nous demande notre avis, on y va, mais il se passe rien, donc on n'y va plus. Voilà. Mais il arrive un moment quand tu veux remettre le dialogue, c'est à l'État justement de faire les efforts. À dire que c'est plus la même équipe. Le problème, c'est l'État justement. Voilà, mais c'est le problème, c'est l'État. Ensuite, pour moi, on peut pas. On peut pas aujourd'hui. C'est là où je suis avec te le monsieur, voilà. mais c'est là-dessus qu'on va débattre parce que je pense qu'on est d'accord sur beaucoup de choses. Et s'il y a un débat qu'on peut avoir, c'est sur. Donc tu vois déjà. Mais voilà, mais donc tu pourras réagir. Puma, c'est après. C'est et juste, juste quand par rapport aux supporters, je pense. Je suis pas d'accord. Je pense qu'il y a une différence et je me mouille. Mais pour moi, tu peux pas traiter le certain supporter lyonnais de la même façon. Ou niçois que tu peux traiter les supporters lorientais ou guingampais. Pour moi, il y a quand même des groupes qui ont prouvé dans le passé qu'il fautait très peu et d'autres qui ont montré dans le passé qu'il fautait beaucoup. Donc je pense que le dialogue doit revenir, mais le dialogue doit être limite instauré de façon particulière avec tout le monde et il doit s'instaurer dans un trinôme entre la préfecture de là où se trouvent les supporters. Pour moi, c'est pas à Nantes de parler directement avec le club bordelais. Il doit parler avec la préfecture de la Gironde, il doit parler avec le club bordelais et les ultras. Et pour moi, à chaque fois, il doit y avoir ce quatuor autour d'une table et c'est limite du cas par cas. On est obligé de repasser par ça, j'ai envie de dire, pour redonner confiance à tout le monde parce qu'aujourd'hui, la confiance personnelle, les supporters n'ont plus confiance dans les pouvoirs publics et les pouvoirs publics n'ont plus confiance un supporter, il faut pas se le cacher. Alors il y a Ochoa qui met sur Twitter, l'arrêté préfectoral était une excuse, le vrai problème est entre le club de Nantes et ses propres supporters ultra, relation très tendue. Moi pour réagir... Ça s'est vu dans le communiqué, il y a que des savoirs. Pour moi je suis pas d'accord avec ce que tu dis, pour moi tous les groupes ultra devraient avoir le droit de se déplacer. Aujourd'hui, j'ai pas dit ça. Non, mais j'ai pas dit ça. Tu l'as dit, doivent-ils la traiter de la même manière? Il dit que non. Non. Ben alors, je te dis qu'ils devraient tous être traités de la même manière. Voilà. Mais j'ai pas dit qu'ils avaient pas le droit de se déplacer. Non, mais c'est un terme. C'est un terme fort. Moi, je t'ai laissé parler 10 minutes. Oui. Est-ce que j'ai le droit de parler? Certes. Donc du coup, je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Pour moi, tous les groupes ont le droit, ont le même droit que tous. Le vrai problème, c'est l'état d'urgence. Ils se servent de cet état d'urgence pour masquer des problèmes d'embauche. Il y a peu de policiers, il n'y a pas assez de policiers en France. Oh gros, si c'est pas le syndicat ici. Mais non, mais moi je te dis le vrai problème. Pourquoi on utilise l'état d'urgence? Quel est leur truc? Les policiers ne peuvent pas encadrer les déplacements. Ils veulent juste pas de supporters, c'est non, tout. Non, c'est pas ça qu'ils disent. Ils disent que les policiers sont fatigués et qu'ils font trop d'heures et compagnie. Mais ce qui peut s'entendre aussi. Mais oui. Ouais. Donc embaucher des gens. En France, il y a trop de chômeurs en France. Embaucher des gens. Aujourd'hui, à l'ère du numérique et compagnie, ils sont capables de voir depuis un satellite ta marque que tu fumes de clope. Donc à un moment donné. Si quelqu'un est fautif dans un stade, ils sont capables de le retrouver. Donc, que chacun assume leurs propres actes dans un stade, c'est pas au groupe à faire la police de ses propres membres ou de gérer une tribune. Pas pour moi, mais légalement, la police, c'est la police. C'est ce qu'on fait nous-mêmes. Mais ce qui se fait aussi à Bordeaux, je suis désolé, t'es réel. Moi, je suis pas d'accord. Cyril, tu es responsable des membres de ton association, quand même. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Demain, tu vas commettre une infraction au code de la route. J'ai pas autorité à te punir. Mais Cyril. Mais parce que je ne suis membre de. Cyril, mais parce que toi, tu n'es rien. Mais même. Je suis désolé, je suis pas club dans les stades. Et revient à la sécurité dans les stades revient au service de sécurité des clubs et à la police, en aucun cas à des groupes et compagnie. Donc pour moi, interdire un groupe pour l'effet d'une personne, c'est pas normal. Mais la liberté, aujourd'hui on fait partie de l'espace Schengen, on a tous le droit de se déplacer. Mais oui, je te le dis, on a tous le droit de se déplacer, c'est un droit fondamental pour tout être en Europe. Et de deux, on n'a pas le droit d'accuser des personnes sans preuve. Et aujourd'hui, c'est des procès d'intention qui sont faits. Et jusqu'à preuve de contraire, dimanche, il n'y a pas encore d'acte répréhensible dimanche, parce que dimanche, c'est dans deux jours. Alors juste, Cyril, tu es bien d'accord. Enfin, il s'est déjà passé des problèmes. Par exemple, je prends les supporters lyonnais. Il y a déjà eu des problèmes. Et l'orienté n'en ont quasiment jamais eu. Et alors? Donc, c'est pas la même population. Je vais commettre une irrégularité dans le stade. Je vais être puni. Mais pourquoi toi, qui n'as jamais rien commis, tu devrais être puni? Je l'ai fait autrement. Si aujourd'hui tu fais une irrégularité alors, à la radio. Alors je vais te dire un truc. Fillon, il a volé 900 000 euros. Non, mais Cyril, on n'est pas là pour faire de la politique. Parce que ton discours de syndicat et de Fillon, on s'en branle. Fillon, il a volé 900 000 euros. Donc on devrait punir Macron parce qu'il est copain avec Fillon. Mais qu'est-ce que tu dis? Mais si, c'est ce qu'il vient de me dire. Il y a eu des problèmes avec des Lyonnais, donc on devrait derrière tous les Lyonnais. Mais à aucun moment, Cyril, quand tu fais partie, Cyril, quand tu adhères à une association, tu es membre d'une association. Moi, je fais partie des restaurants du cœur. Je suis membre des restaurants du cœur. Si pendant que je fais une distribution avec les restos du cœur, est-ce que tous les gens qui vont virer chute sont responsables? Est-ce que tous les gens du virage sont cartés aux ultras? Mais ceux qui sont sont cartés, s'il s'avère qu'ils sont responsables, je suis désolé, le groupe est responsable. Pas pour moi. Mais peut-être pas pour toi, mais t'as tort. Mais pas parce pour que moi. La loi elle dit pas ça. Il y a des gars. La loi elle dit pas ça. Alors, Cyril, je vais t'expliquer. Alors là, demain je fais une connerie. Est-ce que je vais lui expliquer? Est-ce que si demain je fais une connerie du virage sud, le président de l'association Ultramarine Bordeaux 1987, d'accord? Il a été réveillé à 2, 3 heures, 4 heures, 5 heures du matin alors qu'il n'était même pas en déplacement parce que certains membres officiellement cartés ultramarines avaient fait les cons lors d'un déplacement. Mais c'est comme ça. Tu es membre d'une association. Moi, demain, je te dis, je suis membre des Restos du Cœur. Si je tue quelqu'un pendant une distribution, les Restos du Cœur, ils vont morfler. Je ne suis pas membre des ultras. Si demain, j'allume un fumier au stade, pourquoi ça serait aux ultras de payer? Cyril, alors, on est d'accord, c'est pas aux ultras de payer. On est d'accord là-dessus. Mais jusqu'à présent, personne n'a dit le contraire. Je reprends juste un truc qui va plus nous parler à nous tous. Souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Thibaut et journaliste dont j'ai plus le nom. Je vous rappelle que la personne qui pouvait être mise en justice, c'était la présidente de la radio. Oui, déjà. Exactement. Juste pour rappel. Geneviève, que l'on salue. Voilà. Deuxième chose, j'ai jamais dit, et je n'ai à aucun moment prononcé les supporters. Déjà, lui, à mon. On ne peut pas aujourd'hui mettre tous les supporters dans le même panier. Et je ne peux pas aujourd'hui me dire. Mais pour moi, tant que tu n'as pas fait. Toi. En tant qu'individu, tu n'as pas commis d'actes répréhensibles, tu ne peux pas être sanctionné. Il y a déjà eu des groupes de supporters qui ont fait des actes répréhensibles. Ce n'est pas des groupes de supporters, c'est des personnes. Des groupes de supporters à Lyon qui font des signes nazis dans le stade. Oui, évidemment. Mais merde. Et lui va te dire non, ils sont que 12. Bah oui, mais 12, c'est un groupe. Quoi qu'il en soit, qu'on arrête ces personnes. Mais qu'on fasse pas chier les autres. Mais que tu l'assures. Mais Cyril, donc la seule chose que je te dis, aujourd'hui, c'est que le jour. La différence, c'est que vous sanctionnez des groupes et moi je sanctionne des personnes. Non, parce que toi. Mais où c'est que tu as dit je sanctionne? Mais c'est toi qui. Je dis je traite différemment les choses. Non, c'est pas ça que t'as dit. Reviens à tes paroles avant. Tu dis si les mecs ils font des signes nazis, il faut sanctionner le groupe. C'est ce que tu as dit avant. La phrase que je t'ai dit, il n'y a aucun souci. Cyril, il y a bien des gens qui font des signes nazis dans le stade. C'est ce que je t'ai dit. Deuxième chose, je dis juste qu'aujourd'hui, si par exemple Lorient va à Saint-Etienne ou si Lyon va à Saint-Etienne, s'il y a pas le podcast, on ne peut pas traiter, à mon avis, les choses de la même façon. J'ai jamais dit que les Lyonnais n'avaient pas à aller à Saint-Etienne. Moi, ça me fait chier si Marseille demain ne vient pas à Bordeaux. Par contre, si Marseille vient à Bordeaux, je suis désolé. Si demain la préfecture me dit qu'ils sont un peu plus surveillés et encadrés que si c'était Angers, Dijon ou Lorient, parce qu'aujourd'hui il y a une crise de confiance qui existe entre les supporters. Pendant 35 ans, il n'y a jamais eu un problème. Et pourquoi il y aurait un problème? Il y a eu zéro problème en 35 ans. C'est pas une raison de problème ou quoi que ce soit. C'est que comme tu dis, si t'es carté aux ultramarines, aux bad guns, à qui tu veux, je m'en bats les steaks. T'es carté, t'es référencé dans un groupe. C'est tout. C'est juste ça. Les ultramarines, c'est une association. Tu mets ton prénom, tu mets ton adresse. Je suis pas d'accord. Moi, pour moi, t'es responsable de tes actes. Mais t'es peut-être pas d'accord, mais c'est pas là. Tu cartes pas aux ultras. C'est peut-être pas d'accord, mais c'est pas la loi. C'est pas la loi. Chaque individu est responsable. Donc du coup, quelqu'un qui fait, mettons dans un groupe, qui commet une infraction, tous les membres du groupe doivent être sanctionnés. Parce que t'es sous la responsabilité du groupe. Mais je suis pas d'accord. T'es peut-être pas d'accord, mais c'est pas d'accord, mais c'est la loi. Après que tu sois pas d'accord, je suis d'accord. Après, tous les républicains. Non. Mais la question. Attends, deux secondes. Adrien, on t'a pas entendu encore. Cyril, deux secondes. Tu passes sur RIG à l'heure actuelle. On est d'accord. Tu es responsable des propos qui sortent. Tu fais ici maintenant. Tu dis des propos n'importe quoi. Mais Marc te l'a expliqué tout à l'heure. Geneviève, elle a failli être emmerdée il y a 3 ans. Qui c'est qui va se faire niquer? C'est toi dans un premier temps. Mais c'est la radio. Dans un premier temps. Mais c'est surtout la patronne de la radio qui va se faire déchirer. Et la radio aussi qui peut tomber. Qui peut couler. Ils vont lui dire, mais madame, comment vous pouvez laisser dire des trucs pareils à votre antenne? Mais c'est complètement normal. Mais après, il faut comprendre que c'est pas une... La voix de la sagesse. C'est vu comme une sanction, mais juridiquement, c'est pas une sanction. C'est juste une décision qui est prise parce qu'il y a un risque de trouble à l'ordre public. Ouais, mais il y a rien comme risque. Faut arrêter. Non, mais au bout d'un moment, il n'y a rien comme risque. J'ai fait un DEP à Nantes où je suis parti en train de Bordeaux. Je suis arrivé à la gare, j'ai eu un cordon de CRS jusque dans le bus. Et ensuite, on m'a emmené dans le parkage, on a fermé les portes du parkage et ensuite, on a pu descendre du bus. Excuse-moi. Non. Non, mais je suis d'accord. Ça représente un risque. C'est pas aller dans leur stade, c'est les Nantais. Moi, j'interdis oui, pas. Oui, c'est vrai que quand tu lis l'arrêté, c'est ça. Et à aucun moment. Déjà, souvenez-vous, parce que ne me faites pas dire ce que j'ai jamais dit. Il y a un an et demi, je vous avais dit à l'antenne, deux jours après les attentats du mois de novembre. Oui, l'état d'urgence. L'état d'urgence, on va se le prendre dans la gueule, c'est une excuse de merde, et vous allez le voir venir. On m'a dit oui, mais Marc, tu peux pas trop dire ça. Je sais, j'étais d'accord. Attention, Marc, faut pas dire non plus. On peut. L'état d'urgence. Non, mais c'est pas grave. Cyril l'a dit tout à l'heure, c'est un problème. Il a raison. Si les forces de l'ordre, forcément, ont plus de travail, ils le disent. Mais même sans l'état d'urgence, c'est pas une excuse. Mais Cyril a raison aussi. Souviens-toi, j'avais exagéré mes propos. J'ai dit bien évidemment que sur le moment, on est obligé de l'accepter. Mais attention à ce que ça ne devienne pas une excuse pour empêcher les supporters de se déplacer. Adrien. Voilà, je m'aperçois juste que j'avais pas eu tort quand je vous l'avais dit. T'as 3 minutes. Et je donne la parole à Adrien. Après, c'est la pause. La seule chose que je dis aujourd'hui, c'est que j'aimerais que pour qu'on revienne, qu'on remette tout le monde en confiance, supporters, pouvoir public et aussi lambda, j'aimerais bien qu'aujourd'hui, on arrête d'incriminer tout le monde. J'aimerais bien qu'on arrête de mettre des fins aux déplacements, etc. Qu'on remette une discussion ensemble. Que cette discussion doit exister en un parti de 4 personnes, c'est-à-dire la préfecture qui reçoit, la préfecture en gros qui envoie, le club et les supporters. Et que au cas par cas, je dis pas qu'on interdit, je dis juste qu'on traite la venue de ces gens. Je pense que c'est plus difficile aujourd'hui d'accepter que les Marseillais aillent à Paris ou les Lyonnais à Saint-Etienne que des Lorient qui vont à Bordeaux. Voilà, j'essaie juste d'être raisonnable 5 secondes. Adrien, bon, t'avais 3 minutes, t'en as plus qu'une. Oui. Non, mais déjà, pour l'état d'urgence, n'a rien à voir là-dedans, vu que le fait de pouvoir. Laisse-moi. Pour le fait de pouvoir prendre une mesure administrative pour en cas de risque de trouble à l'ordre public, ça existe. Ça existait bien avant. Oui, mais sache que dans le communiqué, tu sais pas si t'as lu ils en reparlent. Hein. Ils en reparlent, mais voilà. Ils avaient pas besoin d'en parler. Après, pourquoi c'est tous les supporters qui sont touchés, pas le groupe? Alors, bon, il faudrait poser la question vraiment à un spécialiste. Mais à mon avis, c'est juste parce qu'au niveau de la loi, ça serait discriminatoire de toucher qu'un groupe. Et pas tous les supporters. Et puis, surtout, comment tu fais l'étudiant? Et il y a un truc que vous oubliez tous, parce que c'est bien de faire des théories, mais je suis désolé. Comment vous faites? Alors, effectivement, il y a un style, il y a un look, il y a un machin. Ok. Pour le reconnaître. Mais comment tu fais pour faire la différence entre quelqu'un comme Marc qui peut être un malade mental en short et en chemisette, hein, parce que des malades mentaux en short et en chemisette. Ils l'ont pas vu au stade en plus. Il y en a à l'été. Putain. On les voit. Et quelqu'un qui est habillé, bah, vous connaissez tous un peu les looks qui est sapé un peu, lads, un peu machin, avec des sapes identifiées. Ouais, quelqu'un de très calme aussi. Donc, j'ai lu un très bon livre d'ailleurs qui parlait du hooliganisme. C'est pas le débat. Non, mais qui parlait du hooliganisme et qui parlait d'ailleurs des ceux qui étaient les plus haut placés dans le hooliganisme sont ceux qui sont le mieux habillés. Évidemment. Voilà. Mais reprenez les hooligans anglais dans les années 80. Ils sont... Tu viens pas avec un écriteau sur ta gueule qui dit je suis un hooligan. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que dans le débat de dire on interdit tout le monde. Mais après, machin, comment tu veux faire? Après, il faut faire du casuistique, il faut faire du cas par cas. Il faut faire du cas par cas. Il de fond à faire avec les groupes. Tu dis toi tu veux, toi non, tu veux. Non, mais pas. Du toi, cas par cas, pas. Je parle pas des supporters, pour les matchs. Toi tu vis, toi tu crées. Pour les matchs, vraiment faire du cas par cas. Un truc que. Et un état des lieux avant le match. Toi tu dis prendre match après match. Donc ça veut dire que tous les PSGOM, tu les interdis. Mais non. C'est ce que. Putain, dirait Cyril, on a jamais dit le mot interdit. Il a raison. À aucun moment on a dit interdit. Arrêtez de me le dire ce mot. Non, ce que je te dis, c'est que c'est du cas par cas et avant. Non, avant. Avant chaque match, Alexis. Pas de soucis. avant chaque match, vérifier. Toi aussi. Avant chaque match, vérifier s'il y a un réel risque. À mon avis, ça, ce n'est pas fait. Ça veut dire que pour moi, chaque lors de, match, de Nantes Bordeaux, non, Alexis, non, mais, Alexis, ce qui veut t'expliquer, Adrien, attends, parce que là, t'es en train de t'enfoncer. Ce qui veut t'expliquer, c'est que tu ne gères pas. Mais putain, non, mais c'est bon, on va faire la pause. Tu ne gères pas un PSG OM comme tu gères un Lorient Dijon. Mais c'est ce que non, mais c'est ce que j'explique. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas l'affiche en tant que telle, parce que pour moi, je suis sûr que Nantes-Bordeaux, ils ont dit on va l'interdire de toute manière. Ce qu'ils ne vérifient pas, c'est qu'au moment, à la date précise, est-ce qu'il y a un risque à ce moment-là précisément? Bah, comment tu peux le savoir, hein? Non, mais le 12 mai, il y a un risque et pas le 13. Non, non, c'est une... non, est-ce qu'à 12h54, le mec va péter un câble? C'est une étude à faire. Dans ces cas-là, la semaine prochaine, ou je sais pas. Appelez le mentaliste, hein, ça sera beaucoup plus simple. Présidentiel, ah ouais. Il y a un risque de tout. Mais non, mais non, mais t'as Paris-Marseille, Paris est premier, Marseille est deuxième, t'as ce match, t'as plus de risque si t'as Marseille 12e et Paris qui est 4e. Mais justement, c'est faux. Non, mais quoi qu'il en soit, tu crois, Adrien, que les supporters, ils sont cons que quand ils sont bons? Non, non, ils sont cons s'ils sont derniers aussi. Un Marseillais, il voudra foutre sur la gueule sur un Parisien qui soit en D4 ou en Ligue des Champions. Non, non, non, mais. Mais après, il y a un travail à faire aussi avec. Juste pour conclure, ce que Adrien dit, c'est qu'il y a en plus l'enjeu pour amener du risque, c'est tout. Après, juste une chose, je pense que là où on est tous maladroits dans ce qu'on est en train de dire, avant qu'on ait tout ça, tu sais, avant l'état d'urgence, avant qu'il y ait cette répression, etc., il y avait déjà du cas par cas, et c'est ce que, au final. Oui, il faut pas croire que c'était avant l'état d'urgence. Mais quand tu as un mec à Bordeaux qui s'appelle Lafarge, qui s'occupe des ultramarines depuis très longtemps, c'est déjà qu'à Bordeaux, quand les ultras se déplacent, on le gère match après match. Donc ça s'encadre. Donc c'est déjà du cas par cas. À l'inverse de Lyon ou Aulas. Laisse carte blanche et c'est pour ça que ça c'est a dégénéré. Et Flo, après, va dans le virage. Et Flo l'a dit. Et Flo l'a dit un petit peu en filigrane tout à l'heure au téléphone. Pourquoi ça a dégénéré hier à Lyon? Parce que Aulas laisse carte blanche complète à des groupes d'extrémistes, qu'ils soient de droite ou de gauche, notamment Lyon 1950 ou les Cosa Nostra, qui sont des groupes d'extrémistes, qui sont des mais c'est même pas des supporters. Enfin, il vous l'a dit lui-même au téléphone. C'est des mecs qui ont même pas peur d'être idées, ils en ont rien à foutre. Ils viennent juste pour casser tout ce qui est pas blanc. Voilà. Mais Jean-Michel Aulas laisse faire ces gens-là. Donc après, faut pas s'étonner. Et au groupe de travailler 15 000 et répression. Bien, les enfants, on va se calmer. On va faire là. T'as toujours le contact avec notre ami journaliste de. Ouais, j'ai bien rigolé. C'est qui? C'est West France, c'est ça? Ouais, West France. On va débriefer. Le PSG mène 1-0 à Angers. Si ça intéresse quelqu'un. Un but refusé pour Angers d'ailleurs. Un but d'Angel Di Maria à la 28e. On joue la 53e. Allez, on fait la pause et on revient dans quelques instants dans Gironde Analyse. RIG90.7 FM, RIGFM.fr. Il y aura le coup de boule, le coup de gueule, le coup de tout de Cyril. Parce que ce que vous avez entendu là, c'était rien. Comparé à ce qu'il va dire tout à l'heure. Et là, pour le coup, honnêtement, on le laisse s'énerver tout seul et on réagit pas. Allez, Puma. Et voilà. Allez, à tout de suite dans GA.